tu as besoin de moi. Non, moi je dis Serge aussi. Okay, non, mais c'est pour les intimes, des fois on met Sergio. Alors, sur Facebook. À la fin, sur la Facebook, fin. Des fois c'est Sergio aussi, je sais plus. Mais... Okay. Oh, ouais. En vrai, il s'appelle c'est Serge. Important. Mais à la... Non, mais à la fin de l'émission, ça sera Sergio. Mais on va commencer par Serge. Ah, pour ça c'est bon ça. Quand même la l'évolution. L'évolution de la rencontre. C'est jusqu'à. Oui. Comment ça va, Serge? Très bien. Alors, toi, t'es dans l'univers musical depuis quand même assez longtemps. Ah, oh, depuis petit, hein? Oui. Oui, oui. Alors, t'es né presque avec guitare, oui. Un instrument de musique, oui. Et un papy. Et comment ça s'est... dans ta famille, est-ce qu'on était musicien? On était chanteur. Tu sais, on était immigrés italiens, donc on chantait beaucoup à table. OK. Ah oui? Mais j'ai quand même joué... Mais c'est pas un mythe, c'est vrai, là. Oui. Ah oui? On voit dans Le Parrain, lorsqu'il y a des grands repas, des gros repas, le spaghetti, la maman, le vin, les gens qui chantent, le violoncelliste qui arrive, mais c'est vrai, c'est pas une fausse chose. Et puis les immigrés, leur attachement à la terre se fait par la chanson et la bouffe. Oui, ben oui. Les spaghettis, ouais. les plats régionaux et à la fin des repas, la chanson. Okay. C'est une façon de ne pas oublier d'où on vient, etc. C'est des racines. C'est un classique. Oui, mais c'est toujours... Ou un cliché. Ben c'est ça que j'allais dire, je croyais que c'était un cliché. Non, je n'en ai pas okay. un. Ok, parfait. Non, non, une famille de chanteurs, mais des professionnels réguliers dans la famille. J'ai un trompettiste, un oncle trompettiste à la raille. Avant lui, il y avait un clarinettiste très célèbre. Qui s'appelait Gaetano Malcrino. Ok. Très célèbre, qui était dans les années 20 un clarinettiste connu en Italie. Ensuite, on est à Alexandrie, en Égypte, parce qu'à l'époque, on voyageait beaucoup. Enfin, on voyage toujours beaucoup, mais à l'époque, les musiciens voyageaient bien. Et donc, il y a régulièrement des professionnels dans ma famille. Voilà. Et tu en fais partie? Eh bien, moi, je continue cette tradition. Mais toi, tu as décidé de te déraciner de ton Italie natale? Ben moi, je suis à Paris, surtout. Oui. Ouais. Parce que ta famille est arrivée ici avant... En 59, je suis né en 60. Tu okay. vois, c'est... Ah oui, oui, oui. C'est passé juste. Ah oui, c'est ça, exactement. T'as pu te retenir un peu, ou ta mère s'est retenue, c'est pas toi. Je sais pas qui s'est retenu. Hein. En tout cas, mais il y a quelqu'un qui... Quelqu'un s'est retenu. Ouais, voilà, c'est ça, il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais il s'est pas passé quelque chose, voilà, c'est pour ça. Oui, voilà, il s'est pas passé quelque chose, exactement. Donc, tu as été influencé par la musique italienne, les racines, par la musique francophone en venant à Paris? Mais les premières choses que j'ai jouées, c'est de la musique italienne, puisque j'accompagnais mon rôle d'enfant, pas prodige, mais le précoce, était d'accompagner les grands-parents qui chantaient Verdi, Nabucco, le chœur des esclaves, à trois voix. C'est classique, c'est une base classique. Non, ce sont des chansons traditionnelles. Bien sûr, ça fait partie du répertoire classique. Oui. Mais c'est populaire, les Napolitains chantent Verdi comme nous on chante Hallyday. C'est votre trône à vous? Ça c'est exagéré quand même. Il y a de ça, il y a de ça. La mer, ta la la la la la. Oui, on peut dire ça. Mais donc, en se baignant dans cet univers musical-là, on ne peut pas faire autrement que devenir musicien. C'est presque une obligation. Oui, c'est une obligation. Je vais te raconter la jolie histoire quand même, la belle histoire qui m'est arrivée. Étant enfant, j'étais malade, voilà, j'étais une santé très très très fragile. Et on allait évidemment tous les ans en Italie, chez ce fameux oncle qui était trompettiste à la RAI. Et dans le mur du salon de mon oncle, il y avait cette guitare. Ma maladie, je n'étais pas malade, en fait. On était une famille nombreuse et c'était pour ta père, qu'on s'occupe de toi. Pas tellement, non, je vais te dire, parce qu'on était vraiment très nombreux dans deux pièces. On était trois familles, donc 12 personnes. Et c'était tellement le bordel que je crois qu'inconsciemment, je ne parlais pas pour pas foutre le bordel encore plus. Et les gens, c'est pas mes parents qui se sont inquiétés, c'est l'école. Ils ont dit, votre fils ne parle pas. Parce que j'avais évidemment continué à l'école, dans la classe, à me taire pour pas foutre la merde, quoi, en gros. Et l'école avait pris ça pour un autisme, tu te rends compte? À l'époque, on appelait ça autisme? Peut-être pas avec ce mot-là, mais c'est enfin un problème. On voyait déjà, on décelait l'anomalie. Je me rappelle très bien d'avoir vu l'assistante sociale venir à la maison et réunir mes parents à parler à demi-voix. De moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère qui ne revenait pas, elle dit, mon fils n'a aucun problème. Ouais. Mais enfin bref, j'avais ce mutisme qui était une sorte de timidité et qui s'est débloqué quand j'ai vu cette guitare, parce qu'à 6 ans, j'ai vu une guitare et c'est fou et c'est vrai. Hein, je ne l'invente pas. Mes parents ne sont plus de ce monde pour le raconter, mais ils ont vraiment été témoins. Au moment où j'ai touché la guitare, j'ai parlé comme une pipette. Ah oui, la guitare a comme sorti en toi les mots qui s'endormaient. C'est très étrange, c'est très joli à raconter, c'est beau, poétique. Oui. C'est comme que vous avez conquis madame. Alors, c'était autre chose. Ok, d'accord. J'ai utilisé une autre technique dont on parlera plus tard, si tu veux. Oui, on va prendre des notes. Hein, cela dit, elle a utilisé une technique assez diabolique, elle aussi. Oui, ça, j'en doute pas, oui. Pour ne pas dire machiavélique. Oh, carrément. La musique t'a amené même à... ça coulait de source. C'est pour ça que tu as eu le premier prix au conservatoire. Alors non, j'ai eu le premier prix. Ok, mais tu passais mort. C'est pas venu tout seul. Non, c'était terrible. Non, parce qu'en plus, il y avait une grosse difficulté au conservatoire, c'est que j'étais un autodidacte doué. Hmm. Et tu sais, quand j'allais au cours, je pensais tout savoir. Voilà. Ah oui. Donc, je bossais moins que les autres parce que c'était très facile pour moi. Les dictées, les analyses harmoniques, ça venait tout seul. Mais à un moment, les autres m'ont dépassé parce qu'ils travaillaient beaucoup plus que moi. Et là, j'étais obligé de tout reprendre et de travailler. Tu sais, le conservatoire, c'est de la mathématique. C'est implacable. Et puis après, les jurys. C'est très académique. Oui, c'est très académique. Et puis toi, la musique, c'est plutôt instinctif. Complètement. Alors, ça t'a fait suer un peu. Oui. Alors, j'ai fait mes concours, je les ai gagnés. Mais pourquoi? Pour leur montrer que tu étais capable de suivre le faire marche? Non, j'étais au bout de mon processus. On faisait Villa-Lobos, on faisait des bons auteurs. Hein. Ça me plaisait bien de jouer leur musique. Mais j'en ai rien fait. Je ne suis pas devenu chef d'orchestre classique. Tu peux lire la musique, donc c'est une force. Ah, complètement, oui. Ça, je peux l'écrire et la lire maintenant. Bon, mais c'est tout ce qui me reste. Ok, mais c'est déjà beaucoup. Oui. Quand tu rencontres un chanteur et qu'il te plaque la partition, tu peux dire, il n'y a pas de problème, tu sais décortiquer, t'es quand même à la mesure. Et tout ça, il y a plusieurs musiciens qui ne connaissent absolument rien à la musique. Donc, comme disait Yann Péchin il y a quelques années, il me disait, il y a des chanteuses, des chanteurs qui me disent, fais-moi un bleu, fais-moi un rouge, fais-moi un... Donc, lui, il doit fonctionner selon... Ah, c'est pas idiot, d'ailleurs. Non, c'est très intéressant. Ben, Yann Péchin qui a travaillé avec des... La musique africaine a traversé à travers plein de styles, plein de modes, qui a côtoyé Bachung et tous les autres. J'ai trop entendu. Mais là, c'est toi qui le sais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ne connaissent rien à la musique et de chanteurs, donc on leur soumet autre chose que la partition. Oui. Mais toi, est-ce qu'il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses qui te demandent de d'écrire de la musique sur des textes sans qu'elle-même ou qu'eux-mêmes ne puissent pas lire la partition? Oh, alors non, moi maintenant. OK, mais moi, avant, oui. Oui, avant, oui. Avant, oui. Non, là où je fais beaucoup d'orchestration, c'est pour la télé, pour le film. Ah, oui, oui, je oui, fais oui, beaucoup oui, de musique de, pour le les documentaires. C'est très payant quand même. Oui, hein? Oui. Ouais. Alors ça t'aide un peu à travailler tes compos personnels. Mes orchestrations. OK. Voilà. Okay. La composition, j'écris toujours, depuis toujours, j'écris facilement. C'est pas une douleur d'écrire pour moi. Je veux dire, tu me demandes demain de me faire une chanson, tu me donnes deux, trois références. Et tu l'as dans l'heure ou les trois heures qui suivent. Oh. Je suis très rapide. Trop rapide, disent certains producteurs. Mais tu es inspiré. Oui, oui, oui, oui. Ça m'a porté beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui croyaient que je leur renforguais des chansons que okay, j'avais écrites en répertoire de stock. Ce qu'ils appelaient ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Dans les tiroirs que tu avais. Oui, il y a des réalisateurs qui m'appelaient et disaient Sergio, voilà, je veux cette musique. 24 heures, 48 heures après, ils avaient le thème d'entrée, etc. Et ça créait un malaise. T'es sûr que tu l'as écrit pour moi, etc., etc. J'étais obligé de dire oui, j'écris vite, voilà. Ouais. Et je ne peux pas faire semblant d'écrire lentement. Okay. J'ai le téléphone, j'ai écrit, j'ai hâte de te faire écouter ce que j'ai fait vite. Mais à travers ça, tu as rencontré des artistes de la variété française, tu as travaillé avec, dont Balavoine. Pas Balavoine, Marc Lavoine. Marc Lavoine, puis moi, Charlene Couture. Oui, oui. Charlene Couture, c'était à quelle période? Ah, ben, la voix est mort assez jeune, donc oui, c'est vrai. Mais Charlene Couture, c'est Solo Boy, Solo Girl. Non, c'était Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore. Et ça, c'est Solo Boy. Voilà, c'est Solo. OK. Voilà, c'est 89. C'est 89. OK, voilà, tu vois. Okay. Alors, moi, mais c'est ça, hein? C'était ça, okay. Oui. Oui, on s'est rencontrés. En fait, j'ai remplacé son guitariste à Taratata. Il devait faire Taratata. Et ça lui a bien plu, et puis on a continué un peu ensemble. Voilà. Et ces rencontres-là, est-ce que ça t'amène d'autres rencontres ou Oui, oui. Alors, je vais te dire, ça m'a ramené évidemment d'autres rencontres, effectivement, pour le travail. Mais aujourd'hui, le bilan de la variété est assez négatif. Je vais te dire, je regrette rien, mais j'aurais pu éviter d'accompagner tous ces gens-là qui ne m'ont pas enrichi, ni humainement, ni musicalement. Je ne tiens qu'un fil. Amour, amour, amour, ton parfum me tourne autour. Je salive à l'idée de goûter tes talents. Je suis affluissant. Rien n'est meilleur que de mourir dans tes bras, manger par tes baisers. Tes mains me pressent, tu t'abandonnes. Il y a le feu au lit. Amour, amour, amour, ton parfum me tourne autour. Je salive à l'idée de goûter tes talents. Je suis affluissant. Rien n'est meilleur que de mourir dans tes bras, manger par tes baisers. Plus je vais être un peu vache. Hein. Bien sûr, Marc Lavoine, c'est quelqu'un de très sympathique. Nathalie Cardone, avec qui on a fait le Che Guevara, je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit, ça a été un titre comme ça, c'était super. Mais tout le reste, franchement, il m'en reste rien. J'ai rien appris, je ne me suis pas fait d'amis. J'ai fait un peu d'argent sur le coup qui ont été dépensés aussi. Oui, les offrir, ouais. Mais est-ce que les comédies musicales sont plus intéressantes pour toi Ah oui, oui, oui, bah oui, c'est autre chose. Là, on est vraiment dans l'écriture pure. Et puis, j'aime beaucoup le rapport avec le metteur en scène. J'aime beaucoup les. Voilà, je raconte une histoire, c'est vrai. C'est ce que c'est j'adore avec Julia Pallon. J'ai exactement la même chose avec elle. C'est-à-dire, voilà une artiste qui a une histoire, qui a un scénario. Alors, elle a ses sujets de prédilection et elle raconte quelque chose. Tous les chanteurs que j'ai accompagnés, de Mylène Farmer, ils racontent pas grand-chose au fond. C'est-à-dire, et tout à coup, tu te retrouves dans une sorte d'automatisme comme ça, à jouer tous les soirs la même chose, sur des « je t'aime, ne me quitte pas, mais reviens, et puis si tu ne m'aimes plus, reste avec moi quand même. » Au bout d'un moment, tout ça se réduit assez vite. Je ne dis pas que ça n'a pas de charme, mais ça ne dure pas. Très vite, devient éphémère. Tu sens que ce que tu vas faire avec l'artiste ne durera pas. Tu sais, je vais t'avouer une chose, eh bien, écoute, j'ai travaillé avec Jimmy Cliff. Oui, je me suis ennuyé. Ah oui, ok. Et Jimmy Cliff était un de mes héros de jeunesse. The Harder They Come, ce film incroyable où il était dans les ghettos en Jamaïque avec Bob Marley où il était. Et quand Virgin, non c'était Island qui m'a appelé en disant voilà il t'a vu sur scène, en tout cas il t'a vu jouer quelque part, c'est toi qui veux. J'étais fou furieux. Et j'ai passé 6 mois d'enfer où on jouait. enfin c'était Walt Disney. Quoi. Ok. Voilà. Mais non, qui permet d'apporter. Non, parce que les Jamaïcains avec qui je jouais, ils ne m'aimaient pas bien. Le Jamaïcain est très difficile avec un blanc. Okay. C'est la radio que tu fais, on ne voit pas, mais je ne suis pas blanc-blanc. Italien du Sud. Oui, oui. Et là, ils m'appelaient White Ass. Oh, wow. T'as tourné, voilà. Ah, ouais. Tu sais, ils ont l'habitude, les Jamaïcains, de donner des prénoms. Okay. Hein, si tu as une casquette, ils t'appellent White Hat. Okay, ouais, okay, c'est ils n'ont pas vu mon cul, mais ils m'ont appelé White Ass. Mais ce côté-là de comédie musicale, l'intérêt, c'est d'être vu par plusieurs personnes. Et d'influencer. Alors, moi, je suis spécialisé avec Guy Grimbert, avec qui je travaille depuis 15 ans, sur la comédie musicale pour enfants. On a fait La Belle et la Bête, hein, on a Peter Pan. Peter Pan, c'est un succès incroyable. Ça fait 10 ans qu'il est à l'affiche, d'abord au Théâtre des Variétés, ensuite à Bobino. C'est plein, chaque hiver, on fait 6 mois avec des gosses et on refait les musiques. Là, j'ai tout refait. Enfin, pourquoi vous refaites des musiques qui existent déjà? Alors, c'est pour renouveler, pour que les gens rachètent d'autres billets pour voir d'autres versions, comme Sarmalia, ça finit plus. Alors, écoute, on peut pas être méchant. Oui. Non, t'es pas méchant, okay. Mais ça pourrait être ça. Mais alors, Guy Grimbert est un auteur, un réalisateur intéressant, que j'adore. Il pourrait garder la même musique tout le temps, personne n'y verrait plus du feu. Ouais. Mais il a envie, lui, de se redonner des idées de mise en scène. Et là, il a besoin de nouvelles musiques. Et c'est tout à son honneur parce que financièrement, il pourrait garder la musique que j'ai fait il y a 10 ans. Mais en même temps, la musique évolue. Alors, tu essayes aussi de faire évoluer la pièce avec la musique. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc, c'est moins emmerdant parce que tu es dans le goût du jour à chaque fois. À chaque 10 ans, tu modifies. Donc, si tu peux rentrer plus de rap, plus de. Ben, comme c'est pour enfants, j'essaie de. Non, bien sûr. Mais comme c'est pas des cons, les enfants, ils écoutent la radio. C'est donc pas, ils veulent. C'est loin d'être non, non, non, au contraire, ils ont c'est un bon très public. Fine. Oui, c'est un bon public. Ah, ouais. Un bon public. Et Guy Grimbert est très intelligent comme auteur, parce que, comme metteur en scène, pardon, parce qu'il n'infantilise pas la musique. Non, non. Il fait pas ta-da, ta-da, ta-da. Non, il me dit, vas-y, fais du jazz profond, sombre. Quand tu fais une musique triste, fais-la qui fait peur, parce que les enfants adorent avoir peur. Ils adorent sursauter avec un cluster de trombones et de grands orchestres, et puis tout à coup derrière mettre une sorte d'ambiance machiavélique avec le Capitaine Crochet. Ils adorent ça. Et on a été à fond à ça. Il y a une drôle d'histoire d'ailleurs sur cette. Sur la comédie musicale de Peter Pan avec Guy Grimbert. Au départ, il était très audacieux car il voulait faire une chose que les producteurs ont refusé à la fin. Il voulait, dans cette comédie musicale, mettre en parallèle le Capitaine Crochet et Peter Pan en disant que c'était une seule et même personne. Okay. Et donc, Crochet serait Peter Pan grandi. Ah ouais. Et c'était très intéressant et je pense que les enfants auraient tout à fait adhéré à ce. Mais le refus a été. Tu sais qu'il ne voulait pas modifier la véritable histoire. Je pense que la véritable histoire, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, tu sais, tous les contes et histoires ont toujours un côté psychologique extrêmement sombre. Et je te conseille de lire, enfin de relire, si tu l'as, l'histoire de Crochet, de Peter Pan. Crochet est un être imaginaire qui est la projection de Peter Pan, vieux. Et quand Peter Pan voit Crochet, il ne peut pas grandir parce qu'il se voit lui-même méchant avec un crochet à la place de la main. Oui. Enfin, c'est très symbolique. C'est très symbolique. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait parce que je pense que les enfants auraient adoré. Bah oui, puis peut-être que ça, l'histoire aurait été réanimée ou... Complètement. Bah oui. C'est Walt Disney un petit peu qui a lissé, parce que moi j'ai lu le scénario original. Hein. Alors, ce n'est pas dit très clairement, mais c'est très, très fortement sous-entendu. Oh, voilà. Il faut lire entre les lignes. Il faut lire entre les lignes. Mais ton travail personnel aussi est important, parce que tu fais cavalier seul à travers beaucoup d'influences musicales. J'ai vu, on m'a envoyé des... c'est quel site, non? SoundCloud, non? SoundCloud, ouais. Exactement. Donc, tu fais beaucoup de choses pour toi personnellement. Pas assez. Non, pas assez. Oui, j'aimerais faire plus. Okay. Mais j'ai besoin. Mais qu'est-ce qui te freine? C'est le travail pour les autres. Je suis un peu paresseux. Ok. Moi, s'il y a Julia devant moi, je fonce. Je suis un travailleur comme tu n'as jamais vu. Okay. Il faut cet individu en face. Ok, parce que c'est elle qui te pousse. Non, c'est quand je la vois. Elle est inspirante. Ah, elle me donne un appétit fou. Ah, ben oui, ben là, c'en est, ben oui, c'est certain. Voilà. C'est pas compliqué non plus. Guy Gravert aussi, mais pour d'autres raisons. Ah, oui, restons du calme. Mais c'est peut-être le côté économique que tu vois à lui. Il m'a fait gagner énormément d'argent. Ben oui, c'est vrai, merci Guy, c'est mon temps. Mais quand tu proposes un Peter Pan et que 10 ans plus tard, on te redemande de faire de la musique, est-ce que tu avais déjà une idée? T'as-tu déjà écrit ou c'est tu pars vierge? Oh, c'est vierge, tu sais, ça tombe sur ma tête comme de l'eau qui tombe du ciel. Mais là, t'as oublié l'ancienne version ou tu essaies de l'oublier? Ah non, j'oublie pas. Okay. Je peux pas parce que je suis parti déjà dans un processus de travail. J'ai construit une trame. Non, c'est au-dessus de l'ancienne version. C'est, on peut dire, une maison, un étage au-dessus. Quoi, voilà. Ok, donc... Il y a une fondation. Tu ne fais que repeindre. Oh non, je construis. Ah oui? Ah, ça s'élève. Je mets un étage ou deux en plus. Ok, mais tu gardes quand même une certaine structure. Oui, je garde la cave et le premier étage. Ok, mais quand ça commence à peut-être à vieillir, tu modifies tout ça? Oh, sans aucun problème. Je n'ai pas peur de ça. Est-ce que tu as beaucoup de critiques lorsque c'est une méga production comme celle-là? Il y a des gens qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas juste le producteur, il y a le scénariste, le metteur en scène. Es-tu ouvert à tous ces changements-là? Alors, moi, souvent, ils disent absolument rien, puis ils se collent à ce que tu as écrit. Parce Non, je suis très ouvert. Ça m'intéresse beaucoup. Quelqu'un qui me dit, mais ça, c'est. Ben, j'aimerais. Alors, il s'est passé une anecdote avec Peter Pan, je te la raconte. J'ai été pendant un an viré de Peter Pan. OK. Pas parce que je me suis fâché. Non, au milieu. Ah oui, OK. Au milieu, Guy Grimbert, succès venant, me téléphone et me dit, Sergio, c'était fantastique cette aventure avec toi. Mais là, je vais prendre un crack de la musique à Hollywood. Enfin, bref. Et ce qu'il a fait était... Alors, c'était terrible parce que je voulais pas le voir, ce qu'il avait fait. J'étais un peu vexé. Frustré. Mais bon, j'ai quand même dit à Guy, envoie-moi la cassette. Ouais. Et j'étais tellement heureux en regardant. C'est pas vrai? C'était mauvais. OK, mauvais. Mais lui, est-ce qu'il trouvait ça bon? Alors non. OK. Il m'a repris l'année d'après. Oui, okay. Mais il a pris la deuxième version. Oui. Il a repris ma musique l'année d'après sans aucun problème. Et est-ce que tu aurais vu le cachet? Un petit. Il aurait fait, ben oui. Hey, on t'a repoussé, donc si vous voulez me réavoir, voilà, c'est la plus-value. Là. J'ai repris. À quel prix? Il ne le fera plus jamais, hein, parce que ça lui a coûté plus cher. Ah, s'il veut le refaire, moi je veux bien attendre pour doubler mon cachet. Nous risquons d'être au champagne plus tard. Ah, aussi, mais le travail avec les enfants, ton but, comme tu disais, c'est de ne pas rendre ça enfantin, de ne pas rendre ça pipi-caca. Donc... Alors, enfantin, oui, c'est infantile qui me gêne. Okay. Infantile, c'est imiter l'enfant. Ah, oui. On peut pas, on est des adultes. Par contre, ce qu'on peut faire. En même temps, c'est ce qu'ils veulent même pas entendre, ça. Je sais pas. Mais je veux pas, les gosses, ils veulent du bruit. Ils veulent que ça fasse peur. Ils veulent de l'attention, ils veulent que ça soit dense. Et de toute façon, un gosse, hein, ça. Difficile de leur faire à l'envers. Hein. Oui. Mais est-ce que tu vas voir souvent tes pièces, la pièce pour voir s'il y a eu, si l'évolution a bien fonctionné? J'y vais pas tant que ça, mais j'y vais à intervalles réguliers. J'y vais d'abord chaque année à l'ouverture et j'y vais à la fermeture. Et la réaction des enfants, ça doit te plaire? Ils gueulent, ils crient, ils sont très interactifs, ils foutent le bordel au théâtre des variétés. Pas au théâtre des variétés, maintenant c'est Bobino. Mais ils gueulent, ils faisaient. Au début, Tu sais, dans Peter Pan, il y a la scène de l'envol, tu sais, il s'envole. Au début, bien sûr, c'était pas très au point, on voyait les fils. Et les gosses sont d'une cruauté absolue parce qu'ils se l'éveillent, ils disaient « On voit les fils !» Ah ouais. Ça, c'était un des moments de solitude. Ah oui, mais ils ont revu ça parce que les enfants, comme ils ont flairé le truc, ils se sont dit « Nous allons rapiner. » On ne voit plus les fils. Non, c'est ça. Ils s'envolent tout seuls. On a eu du budget, on lui a appris à voler. C'est ça, oui. boys cool, hop dancing to the beat. With a US male and a ponytail, well, she looks so sweet. Times are changing fast, but we won't forget. So the age is past, we'll be rocking yet. Rock and roll. Hey, hey. Rock and roll. Hey, rock and roll. Hey, rock and roll. Hey, rock and roll. Rock and roll. De faire une autre trame sonore, tu regardes et tu dis, ah ben là, ils ont moins de... Non, parce que je vois ce que tu veux me faire dire. Non, la mode non, n'a pas... Non, non, tu... non, alors je vais, okay. Je vais imaginer ce que tu veux me faire dire. Okay. La mode n'a aucun prix sur les enfants. Ils ne sont pas sujets au rap ou à la techno ou aux musiques électroniques comme on pourrait le croire. Un enfant, il veut que ça soit émotif. Et sincèrement émotif. C'est la première chose qu'il veut. Si ça l'est, ça passe. Là, il ne se demande pas, c'est récent, c'est vieux, c'est classique, c'est rock, est-ce que c'est bon ou pas bon. Je crois que c'est, l'enfant est très mûr pour ça, j'aimerais que les adultes le soient un peu aussi, comme ça. Et dans ta carrière solo, parce qu'il faut en parler, c'est super intéressant, est-ce que tu travailles avant la musique ou si tu travailles les textes La musique. La musique? Oui, la musique. Je vais reparler de Julia Pallon parce qu'elle a vraiment été... Pour moi, un moment très très important dans ma carrière, si on parle de cette carrière, ouais, bah oui, bah, oui, bah, oui. C'est-à-dire que tout à coup, c'est la première fois que j'ai eu un artiste qui me dit attention, je raconte pas n'importe quoi. Je veux que mes textes soient entendus, non seulement entendus, mais soulignés. Pas d'une façon grossière et parallèle, mais que tu prennes en importance. Ça, c'est le milieu de la chanson. Alors qu'avant, en fait, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la variété ne m'a rien apporté. Parce que à chaque fois, on me faisait de la musique, je composais une musique qui devait être la meilleure possible, certes, mais qui tenait très peu du texte. Jamais. On oubliait le texte ou quoi, on n'entendait pas le texte? Non, très peu. Sauf avec Charlie Lee. Mais avec Charlie Lee Couture, par exemple, lui, je ne pouvais pas composer pour lui. Non, hein, par contre, lui, avec ses guitares... Il est plus ouvert actuellement, les compos. Oui, c'est vrai. Mais anciennement, c'est vrai que c'était... Non, c'était lui, hein, évidemment. Oh, ouais. Mais il a laissé la place depuis à peu près 8-9 ans. Oui, donc, Et donc, c'est la première fois depuis 5-6 ans que je travaille avec Julia Pallon, où il y a vraiment maintenant un texte, donc un scénariste. Oui. Au fait, pour en revenir, moi j'ai besoin d'un scénariste, j'ai besoin d'un metteur en scène, j'ai besoin d'un réalisateur. On doit te planter le décor et toi tu es bien à l'aise c'est ce que je préfère. amener l'environnement quand le décor est planté. Mais Gainsbourg aussi travaillait là-dessus, la voix en avant et la musique qui gravite autour. Ah, bien sûr. Pour bien comprendre le texte, parce qu'il y a des chansons, si t'as rien à glander, à dire, c'est sûr que plus il y a de musique qui est ouf, mieux c'est. Parce qu'on comprend pas. Parce qu'on comprend pas. Bon, puis on n'ose même pas mettre les paroles, mais c'est vrai. C'est quand même assez rude. Ben, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est ce que, malheureusement, on vit sur quelque chose aujourd'hui, hein, qui est terrible. La musique et l'industrie de la musique a tellement changé qu'aujourd'hui nous ne vendons plus de disques, très peu, même plus de disques, on peut dire. Et que maintenant les revenus de la musique, il y en a deux très importants. C'est la synchro, ce qu'on appelle la synchro, c'est placer de la musique à l'image, dans le générique d'un film, ou un documentaire. Et la deuxième, c'est de faire des vues YouTube. C'est barbare, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, chanter en français, chanter avec un texte, ça ne sert à aucun de ces deux métiers. C'est très peu demandé dans les films, les chansons en français. On voit plein de films avec des chansons connues ou pas connues. Dans les vues YouTube, on chante en anglais ou en espagnol, qui sont des langues comme ça, un peu universelles, et très peu en français. Résultat des courses, on voit bien sûr ici à Paris, en France, des signatures de maisons disques presque exclusivement en anglais, des budgets qui vont à des artistes français qui chantent en anglais. Je ne sais pas si vous au Canada... Non, au Québec, non. Au Québec, vous êtes beaucoup plus... Ce qu'il faut dire, c'est que si tu veux être subventionné par le gouvernement du Québec, tu dois avoir un produit francophone. C'est bien ce que j'avais entendu. Vous êtes bien plus en avance que nous. En avance, on est... Vous êtes meilleur que nous. Non, on est meilleur que personne. J'aime le Québec. Oui, vive le Québec. Je voudrais y aller. Oui, écoute, il y a des billets d'avion. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, la différence, c'est que nous sommes malheureusement noyés par les États-Unis. Cernés. Nous sommes cernés par les États-Unis et donc le Canada anglais. Et c'est pour ça qu'on veut distinguer fortement le Canada du Québec. Le Québec, c'est les francophones et le Canada, ce sont les anglophones. Et pour faire de la musique en français, le gouvernement du Québec est prêt à subventionner, mais il faut que tu respectes le quota francophone. Et les radios obligent 40% de produits francophones à la radio. Oui, alors tu sais... Et anciennement, et je vais terminer là-dessus, anciennement, il y a une loi, ils ont dû sortir une autre loi, malheureusement parce qu'il y a des connards. Quand il y a des lois, c'est parce que ça a été... Hein, y a des gens qui n'ont pas suivi la loi. Si on rajoute une autre loi, c'est parce que ça n'a pas été suivi. Il y a des producteurs de radio qui s'arrangeaient pour couper la chanson francophone comme il fallait 40%. Si la chanson durait 3 minutes, on remettait ça à 1 minute et demie, on coupait des trucs. Mais là, le gouvernement du Québec a exigé de jouer l'intégralité de la chanson pour que ça fasse. Pour que ça rentre dans le 40%. Non, mais c'est quelle avance, ça? Ben, non, parce que c'est pas une avance. Vous avez aucune attaque. Vous êtes pas. Vous êtes dans. Mais en même temps, c'est sournois. Il n'y a pas plus. L'homme est un loup pour l'homme, quoi. Un loup pour l'homme, mais c'est parce que vous êtes français, vous êtes en France, et sans savoir, vous utilisez l'anglais à plusieurs sources. Et c'est ça, nous, on ne pourrait jamais dire traveler chèque. On dit chèque de voyage. Pourquoi? Ben, c'est pas, puis on dirait, on ne dit jamais email, on dit courriel. Courriel, c'est un mot inventé au Québec. Et alors, on a toujours, les Français ont toujours été fascinés par les Anglais, par les États-Unis. Ben, les États-Unis. Ben, on a ce complexe. C'est pas un complexe, c'est un rêve. C'est un rêve. Ben, ouais, le rêve américain, tout le monde. Et lorsque tu vas aux États-Unis, tu te rends compte que c'est pas mieux. Non. Et donc, nous, au Québec, comme on est collé sur les États-Unis, on sait qu'il faut préserver notre langue. Vous êtes loin, donc être too much, c'est toujours bien. Too much, c'est un terme anglophone que nous, on n'utilise pas. Mais c'est sûr que moi, je suis un extrémiste francophone. Il y en a qui le sont moins. Week-end, plusieurs l'utilisent, mais moi, ça reste encore fin de semaine. Une fin de semaine, c'est pas un week-end. Mais bon, c'est pour aussi préserver une langue qui est en train tranquillement de se noyer, mais hors Québec. C'est vrai. Voilà. Mais ton travail avec les chanteurs, les chanteuses, tout ça, t'as amené aucun contact, t'as enrichi peut-être au niveau économique, mais pas plus. Est-ce qu'on t'appelle encore pour aider certaines causes, certains groupes, certains chanteurs, chanteuses? De moins en moins. Okay. Parce que c'est volontaire de ta part. Ah oui, oui. Je n'ai jamais eu l'idée de continuer à faire des sessions d'enregistrement, de travailler avec les maisons de disques. Mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que le travail qu'on demande à des maisons de disques... Alors, avant, il y avait besoin d'une qualité, d'une technique des musiciens assez pointue, il fallait lire. Quelquefois, il fallait jouer des musiques un petit peu plus complexes. Aujourd'hui, la musique s'est simplifiée pour arriver à un degré... Alors, cette fois-ci, très infantile. C'est-à-dire qu'on voit ce qui marche. Mon fils de 7 ans pourrait presque m'accompagner. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un comme moi, au fond. Et donc, ils appellent leurs cousins, leurs voisins, leurs machins, et ça fait très bien. Leurs machines aussi, les machines. Alors, la robotique a pris une place très importante. Et ça fait combien d'années, toi, que tu travailles sur ton propre matériel? Parce que c'est ça l'intérêt de ton matériel à toi. Oh, ça fait bientôt 20 ans. Et est-ce que tu travailles souvent pour un album ou si tu travailles uniquement pour une chanson? Ah, c'est les deux. Quelquefois, il y a un artiste qui vient avec une chanson qui me dit « qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Est-ce que tu peux composer un refrain? Est-ce que tu peux m'aider même pour l'arrangement ?» Mais c'est pas ton répertoire à toi. Et c'est pas mon répertoire à moi, mais ça, je peux le faire aussi quand la chanson me plaît. Mais sinon, on me commande des chansons, on me dit « tiens, je voudrais faire... » Mais ça arrive de moins en moins. Non, mais toi, personnellement, quand tu veux faire une chanson, quand tu veux chanter, écrire une chanson, est-ce que tu travailles sur un album ou tu travailles plutôt sur une chanson? As-tu une visée pour en disquer ou t'as uniquement pour l'unité qui est la chanson? Alors, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, alors c'est deux choses différentes. En général, je te répondrai, c'est pour un album. Okay. Parce que j'aime bien la globalité, les 10 titres, les 12, 13 titres. Et quand je veux faire un peu de pognon, si je peux me permettre, je fais une chanson. Okay. La chanson tube. Si on veut. Ouais. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une recette pour le tube? Oui. Ah oui? Alors on prend des notes. Allez. Alors c'est tout à fait simple. Alors mais je vais te dire, parce que une chanson tube, ça se compose de trois parties, d'un couplet, d'un pré-refrain, d'un refrain. Il faut annoncer le couplet avec ce qu'on appelle un klaxon. Un klaxon, c'est c'est un klaxon, c'est-à-dire c'est un morceau de la chanson qu'on a mis au début. Après, on développe un couplet dans lequel on met un crochet, un hook, on dit en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui accroche. Et après, dans le couplet, dans l'avant-refrain, on met un peu des deux. Le refrain doit être extrêmement simple, très intelligible, avec le klaxon du début qui fait partie du refrain. Voilà, c'est une recette tout à fait simple. Après, c'est difficile à faire, mais c'est simple à accomplir. Ici à part moi, chérie, tu dors ? Eh bébé, faut que je te parle. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Eh, je rêve ou tu fais semblant de dormir? Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Sauve-moi. Sauve-moi de moi. T'as qui de moi? Sauve-moi. Mais comment ça, je ne parle que de moi? Sauve-moi. Sauve-moi de moi. T'as qui de moi? Sauve-moi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici à part moi. Sauve-moi. Hey, chérie, faut qu'on parle. Sauve-moi. Non mais t'es vraiment comme lâche. Sauve-moi. Tu penses qu'à toi. Sauve-moi. Égoïste. Sauve-moi. Je sais ce que tu es. Tu es un pervers narcissique. Sauve-moi, salaud. Sauve-moi, salaud. Sauve-moi, salaud. Sauve-moi, salaud. Est-ce qu'il est quelqu'un d'autre ici à part moi? Essayes-tu de changer de structure musicale, d'environnement sonore? Un peu quand même, oui. OK, mais lorsque tu vas le présenter, le troisième album, ouais. Le premier, la fête. C'est moi qui sonne de même? Non, c'est moi. Ok, ok, non, c'est pas grave. Je pensais que c'était mon cellulaire. Je vais le faire taire. Mais, parce que moi, quand ça fait ça, ça veut dire que la pile est presque terminée. Voyons donc, je l'ai branché il y a quelques heures. Que j'allais me demander. Que... Mais le premier album, on est loin de ça. Je sais qu'on est loin de parler de scène avec les trois albums. Mais est-ce que tout ça sera tenu en considération de créer une sonorité de concert pour les trois? Donc, le premier qui ne sonnait pas comme le deuxième, sur scène. À Montréal. Il sera joué donc par les trois mêmes musiciens, parce que je te rappelle que c'est un trio. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, les sonorités ne sont pas infinies. Okay. Si jamais un demi-orchestre symphonique, oui, je te dirais, tiens, à un tel moment, il y a des cordes, une harpe là, puis après une guitare sèche. Non, là, on est un trio basse, guitare, batterie, ce qui colore évidemment même les trois albums qui ont été faits à 3 ans de distance, de la même couleur, de la même, c'est un pinceau, le même pinceau. Et est-ce que c'est Julia qui t'amène la couleur sonore ou c'est toi qui... Alors non, c'est moi. Okay. C'est moi parce que justement l'intérêt d'avoir des textes comme ça très très très fournis, très textés, comme si, je sais pas si c'est un mot qui existe, c'est que moi je peux fantasmer complètement sur tout ce que j'ai aimé en musique. C'est-à-dire comme elle n'impose pas de style particulier, elle a cette intelligence en disant tu veux faire une valse, faisons une valse, pourquoi pas. Et tout à coup moi qui ai beaucoup aimé Debussy, Zappa, de plein de choses, tout à coup je vais pouvoir m'exercer presque à dire tiens si je prenais un peu de ça, c'est comme un peintre avec plein de couleurs. Et là je m'amuser et ça vient, c'est elle qui va me dire ah bah tiens ça me plaît. Mais Julia, toi de travailler avec un homme comme ça, il te surprend constamment sur tes textes, tu te dis hey, je pensais pas que ça allait donner ça. Comment? Mais t'es surpris à chaque fois qu'il propose une musique, je pensais pas que ça allait tourner comme ça, je croyais pas. Oui, que, oui, oui, bah, que... c'est parce qu'il a énormément de connaissances et de talents, donc effectivement il me surprend énormément. Mais c'est parce que crois-tu qu'il enjolive un peu ce que tu as voulu dire ou met en circonstance ou met en primauté l'intérêt de l'histoire? Je crois que je lui donne quand même assez clairement mon texte. Okay. Ça, vraiment, je suis assez claire. Hein. Okay. Après, et j'ai aussi ce truc de metteur en scène, surtout quand quand on va justement faire le live. Là, je monte mon histoire, quoi. C'est vraiment très important. Si à un moment donné, il faut qu'on soit à la guerre, on est à la guerre. Si au contraire, on est dans la douceur, il faut vraiment être... Okay. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit hyper clair. Mais là où c'est génial, c'est que tout à coup, effectivement, il va renverser complètement l'émotion pour justement aller au cordeau, quoi, pour justement aller au point où ça va basculer et faire naître une émotion que j'osais à peine soupçonner, que j'osais à peine émettre, tu vois. Alors, il te refait vivre ce que tu as écrit, oui. Il te surprend de ce que tu as écrit. Dans la vibration, mais d'ailleurs c'est ça aussi la mise en musique pour moi, hein, dans la vibration qu'il va proposer. Il me surprend par l'intensité qu'il propose, par la subtilité, tu vois, de l'accompagnement. Et du coup, la palette de couleurs va m'éblouir, on peut dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de modifications lorsque vous travaillez ensemble? Ou normalement, quand le fondement sonore est fait et que ce que tu as entendu de Serge te plaît, gardez ça comme ça. Y a-t-il beaucoup de discussions de « Ah oh non, non, celui-là, là, tu l'as monté trop haut. » Il me semble qu'on se perd à ce niveau-là. On est quand même vachement dans l'échange. Hein. Je sais pas si on discute tant que ça, mais en tout cas, on joue, on modifie, on avance ensemble. Vous vous amusez. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment un esprit de « Ah oh, non, non, ça t'enlève ça, c'est tout le monde ensemble. Ben, » il me semble que « Ouais, mais ça, c'était bien, mais... » Alors, vous arrivez à un consensus, à deux. Non? Non, on change. Moi, je crois qu'on change. Oui, j'ai l'impression. Il y a combien de versions, à peu près, pour une chanson? Oh, deux, en tout cas. Ah, non, OK, deux. Oh, deux. Oh, oh. Oui, mais deux complètement différentes. Il y a une chanson, okay. Ah, oui. Une chanson de l'album qui a disparu, qui est, ah, oui. Mon texte est resté avec toute notre musique. Alors, on était très contents de la première version. Et puis tout à coup, on l'a joué sur scène. Ça n'a pas marché du tout. Ah, c'était, ouais, okay. Ah, c'était un bide. Un bide. Okay. Derrière, il y a eu quatre applaudissements au bus. Oh, oh. On a fait. OK, on l'enlève. OK, on va mais d'après vous, c'était super, là, ce que vous avez oui. Proposé. OK, c'est avec votre. Vous avez proposé quelque chose. Je croyais que c'était super. OK. Ouais, OK, on est à côté de la plaque. Ah, c'est bien. Mais ça n'arrive pas souvent. Non. OK, heureusement, sinon, l'ego en prend pour son mais rhume. Mais tu vois, le live, c'est bien. Hein, oui. De faire ton album sur scène avant de jouer. Tu sais, ça ne trompe pas. L'applaudissement à la fin de la chanson, c'est la note. Ben oui, exactement. Ça, c'est le salaire de l'artiste. Ouais, mais tu fais combien de fois sur scène avant de l'antiquer? 5-6 fois. Le plus possible, mais oui, 5-6 fois. Après, il y a des chansons, tu vois, par exemple, là, on va sortir l'album à l'automne, mais comme on est déjà, tu vois, il te disait déjà, ah, mais j'ai des idées, nanana. On ne se ferme pas à l'idée de continuer. En fait, on crée sans arrêt, tu vois, on est dans un mouvement perpétuel de création. Donc imagine, il y a une chanson qui sort, je dis n'importe quoi, mais là, à l'automne, si ça se trouve, on va la tester, sans rien dire à personne. Et du coup, elle va peut-être être, tu vois, testée comme ça pendant la tournée. Ça, c'est possible, tu vois. Donc ça dépend. Mais sinon, là, oui, typiquement, là, oui, on a fait 5-6 fois le show. Mais là, ça veut dire que tout est en place, actuellement. Tu sais, c'est l'équilibre dans le déséquilibre, hein, tu vois. C'est ça l'intérêt, le plaisir. On est tout le temps en mouvement, mais oui. Mais... J'en parlais avec des chanteurs qui aussi produisent et font leur propre truc. Comment se met en place les chansons? Pourquoi celle-là va aller là et celle-là va aller là? Ça, j'ai jamais rien compris. Okay. Ah, ça, alors, il n'aime pas. Ouais. Je déteste ça. Quand il faut choisir le single, quand il faut mettre cette chanson au début de l'album, je ne comprends jamais rien. Mais c'est qui décide? C'est toi? En tout cas, c'est pas moi. Non, toi, tu me laisses, mais vous êtes encore là. Vous proposez des choses, puis toi, tu as quand même des idées. Ah non, pas celle-là, on va la mettre à la fin parce que ça résume peut-être ou peut-être. Oui, je le dis sans trop conviction. Si elle insiste un peu, je suis ah oui, faire. Ok, t'es déjà. Ben, c'est très différent pour moi sur scène et sur l'album. Sur scène, dans la mesure où je crée justement une mise en scène, il y a un intérêt pour moi à jouer telle chanson en premier, etc. Je déroule mon histoire. Sur l'album, c'est un petit peu différent parce que parfois on peut l'entendre différemment et puis on n'a pas le visuel de la scène et tout ça, donc je vais réfléchir autrement. Oh, pour ça, j'avoue, c'est pas notre, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Hein, vous demandez pas des cet ordre. De venir un soir, là, oh, et... erreur, faut jamais faire ça. Okay. Oh là là. Alors non, parce qu'ils prennent tous le rôle du producteur, alors là, c'est oui, tu perds un ami presque. Hein. Mais oui, c'est vrai que des fois ça peut être. Ah, ça peut être. Oh, mais tu devrais le mettre en premier. Et puis tu sais, ton intro, elle n'est pas vraiment terrible. Ah ouais. Ah, mais en plus, c'est pas des musiciens, donc ça donne un coup de. Non, je préfère te faire des pattes et puis c'est bien. Ah oui, c'est ça. Mais votre travail, c'est quand même complémentaire. Vous êtes un peu aidé l'autre et vice-versa. Oui. On s'amuse beaucoup. Puis j'adore Julia, quelqu'un qui est très ouvert, qui est très aventureuse. Elle n'est pas du tout bloquée. J'ai beaucoup travaillé avec des gens qui avaient fait un texte et pour leur faire changer un mot, il fallait leur coller un procès, quoi. Okay. Ah oui, c'était... Non, non, elle, c'est super. Tout est malléable, on peut tout refaire, on peut tout remettre en cause pour le mieux, pour les chansons. Mais lorsque vous enregistrez, est-ce que c'est tout le monde en même temps ou c'est 30 par 30? C'est les deux. C'est les deux. Et vous choisissez le meilleur? Et on choisit le meilleur. Mais vous pouvez aussi prendre tout le monde ensemble puis revoir des trames parce que absolument. L'idéal, et c'est ce qu'on fera à mon avis pour le oh. Est-ce qu'elle le sait ou c'est un scoop? Non, elle ne le sait pas. Scoop. Ah non, elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas, elle va l'apprendre. D'accord, on chicane là. C'est-à-dire, on va enregistrer, on va apprendre une dizaine de chansons, on va les répéter beaucoup et puis on va aller en studio, on va les jouer live sans recording. C'est-à-dire voix, basse, batterie, et on fera trois versions de chaque morceau et on montrera à travers les trois meilleurs moments de ces trois prises, ah, oui. Pour en faire un bien. Et je pense que c'est comme ça. Ah, oui. Ah, c'est une bonne idée, hein? Non, il y en a beaucoup, Sinatra, c'est ça. Ok. Voilà, enfin, c'est pas... Oui, et puis ça nous... Ouais, okay. C'est très bien. Sinatra, quoi, il prenait une chanson. Oui. Tu l'as fait trois fois d'affilée. Voilà. Et il choisissait les... exemple, si le refrain était meilleur sur la deuxième, prenez la deuxième, mais il faut que la sonorité, il faut que la voix soit vraiment égale. Ah ben ça, c'est, comme c'est, tu le fais d'affilée. C'est pris au même moment, avec le même orchestre. Et rappelle-toi, Sinatra, il y avait 40 musiciens. Hein. Oh, oui, oui, donc, oui. C'était pas simple. Ok, je comprends. Ah, mais c'est intéressant, ça. Bien sûr. Et les grands tubes de Sinatra sont faits un peu comme ça. Stranger in the Night. Alors non, c'est une surprise. Alors, tu connais l'histoire? Oui, je connais l'histoire de Stranger in the Night. Ça a été fait en 2 heures. C'était ce qui est le plus rapide au monde. C'est-à-dire que l'orchestre avait répété toute la matinée. Il a fait 2 prises de voix. Et c'était... C'est quelle qu'ils ont choisi, la première ou la deuxième? C'était la première. Ok. Ouais. Ah, souvent, c'est la première. La première. Quand, quand t'es rapide comme ça, c'est... Ouais, quand c'est rapide, c'est toujours la première. Premier solo, la première prise de voix, c'est toujours la meilleure. Même si c'est... au début, tu dis, oh non, je peux faire mieux, tu fais jamais. Je me sens bien là. Oui, je me sens bien là. Pas de soucis à se faire, tous en enfer. Bien au paradis, et si les deux étaient jolis, sentir sur sa joue la caresse du vent, la brûlure du soleil couchant. Et je me sens bien là. Oui, je me sens bien. Je me sens bien là. Ce n'est plus le temps, pas sorcier, de jouir et d'aimer. Il suffit de prendre le temps et un bon amant, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, pour vivre heureux, caché, vivant. Et je le sens bien là. Et je le sens bien là. Et je me sens bien là. J'aime sentir l'odeur ammoniacale que sous tes aisselles le bonheur exhale. Et je me sens bien là. Oui, je me sens bien là. Ce n'est pourtant pas sorcier de jouir et d'aimer. Il suffit de prendre le temps et un bon amant, sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, pour vivre heureux, caché, vivant. Et je me sens bien là. Je me sens bien là. Je me sens bien là. Quand je serai partie, je voudrais que l'on m'oublie, que l'on jette mes cendres sur une plage en Italie. Et je serai bien là. Oui, je serai bien là. Sans le savoir, les jeunes et beaux garçons s'allongeront dans le sable sans connaître mon nom. Ils me prendront dans leurs bras, se brûleront sur moi, m'envahiront de leur joie. Je serai bien là. Je serai bien là. Ooh, yeah. Ooh, ooh. Yeah, yeah. Ooh, ooh. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.